La femme de chambre apporte les petits déjeuners dans les chambres. Elle dit « Voilà des croissants délicieux !» Et elle ajoute « Et notre confiture est délicieuse !» Nous la faisons ici, à l'hôtel. Je déteste les croissants et je déteste la confiture. En ce moment, je suis seul. Mon père est chez les Martins. Ma mère est chez le coiffeur. Valérie est dans les grands magasins. Elle fait des courses. Moi, je ne peux rien acheter parce que je n'ai pas d'argent. Valérie et ma mère font des courses presque tous les jours. Tous les matins, ma mère me dit « Amuse-toi bien, Paul !» Tous les matins, Valérie me dit « Comme tu es ennuyeux, va-t'en !» Tous les matins, mon père me dit « Va à la tour Eiffel. » Ennuyeux, moi ? Valérie est ennuyeuse. Je déteste ma famille. Eh bien, je vais à la tour Eiffel. À bientôt.